Activité 39. 1. Tom a 40 ans. Il est grand et il est blond. 2. Louis a 23 ans. Il est petit et il est blond. 3. Arthur a 27 ans. Il est grand et il a les cheveux bruns. 4. Alain a 45 ans. Il est petit et il a les cheveux bruns.